le plaisir. Mon plaisir, ça a toujours été un petit peu le loisir des autres. Are you ready for this? Mon plaisir, ça a toujours été un petit peu le loisir des autres. Allez, va tout de suite, c'est ça qu'il faut.